Get rich on paper, non c'est pas du cinéma. Tu snitch, on se connaît pas. En gros t'es un appât. Tu m'as VDR, sois pas souris. Je pense qu'on s'est un peu mal compris. Tu fous la merde, y'a pas de répit. J'fais la cafetière pour se faire un bon beat. Get rich on paper, non c'est pas du cinéma. Tu snitch, on se connaît pas. En gros t'es un appât. Tu m'as VDR, sois pas souris. Je pense qu'on s'est un peu mal compris. Tu fous la merde, y'a pas de répit. J'fais la cafetière pour se faire un bon beat. Armé jusqu'au micro, sans glacer jusqu'au payroll. Je suis pas le seigneur des anneaux, mais je sais faire du charcoal. On veut voler pour être libre, pas voler pour être en dedans. C'est pour avoir la tête tranquille, on déçoit nos commandants. Je navigue jusqu'aux petites heures, sous un ciel étoilé. Éloigne le détecteur, je veux partir en fumée. Je pas comme les autres rappers, moi je veux patauger. Dans un monde parallèle, de la tête jusqu'aux pieds. Appelle dans tous tes chums, c'est l'heure de prendre un coup. On prend pour un médium, c'est le même à tous les jours. Je veux brûler le radium, que ça sente jusqu'à Moscou. Je vais graver le podium, viens me faire une interview. Get rich, on paye pas, non c'est pas du cinéma. Tu snitch, on se connaît pas. En gros t'es un appât. Tu m'avais des airs, sois pas souris. Je pense qu'on s'est un peu mal compris. Tu fous la merde, y'a pas de répit. J'fais la cafetière pour te faire un bon beat. Get rich, on paye pas, non c'est pas du cinéma. Tu snitch, on se connaît pas. En gros t'es un appât. Tu m'avais des airs, sois pas souris. Je pense qu'on s'est un peu mal compris. Tu fous la merde, y'a pas de répit. J'fais la cafetière pour te faire un bon beat.